Le bouddhisme au Tibet, par Émile de Schlaginweit, traduit de l'anglais par Monsieur de Miloué, directeur du musée Guimet, Annales du musée Guimet, tome 3e, édition Pitrainée, 1881, markemdanarchive.org 2022, d'après Gallica BNFFR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Section 2. Bouddhisme tibétain. Chapitre 7. Relation historique de l'introduction du bouddhisme au Tibet. Première religion des Tibétains. Introduction des dogmes bouddhistes dans le Tibet oriental. Ère du roi Srongtsen Gampo et du roi Tisrong de Tsan. Réforme du lama Tsongkhapa. Propagation du bouddhisme en Chine, à Ladakh et dans l'Himalaya oriental. Avant la propagation des doctrines bouddhistes dans le Tibet, la religion des habitants de ce pays était probablement une sorte de culte peu différente de ceux qui dominent parmi les peuplades grossières, c'est-à-dire un système mélangé d'idolâtrie et de sorcellerie, gouverné par des prêtres jouissant d'une grande réputation et d'une extrême puissance par suite de leurs prétendus entretiens avec les dieux et de leur connaissance supposée des moyens propres à obtenir la faveur et l'assistance divine. La première tentative des bouddhistes pour étendre leur croyance au Tibet a sans doute rencontré une résistance générale de la part du clergé et du peuple. Celui-ci, en effet, devait trouver moins pénible de payer une caste cléricale pour obtenir une prospérité matérielle que de chercher le salut et l'éternel bonheur dans la réincarnation future et l'affranchissement final de la métempsychose par une discipline sévère et une méditation profonde. Afin d'atteindre le succès d'imposer plus vite aux tribus qu'ils voulaient convertir à la nouvelle religion, les premiers missionnaires du bouddhisme dans le Tibet ont dû probablement s'attribuer des qualités surnaturelles et céder, sur les points de discipline les moins importants, à quelques-unes des idées de leurs néophytes. On trouve maintes suggestions tendant à ce but, dans les livres sacrés tibétains, le Bodhimor, par exemple, et l'histoire de Sanaingsetsen qui est pleine des miracles et prodiges accomplis par les premiers prêtres bouddhiques. On raconte que le premier exploit de Panma Sambhava fut la soumission du terrible démon qui voulait l'empêcher de pénétrer au Tibet. On dit que ses disciples ont tiré des leçons qu'il leur donna sur l'emploi des charmes, le pouvoir d'accomplir les actes les plus extraordinaires. Ainsi ils font obtenir de bonnes récoltes et autre chose semblable, ils enseignent aux Tibétains quelques-uns des arts et des sciences pratiquées alors dans la civilisation plus avancée de la Chine et de l'Inde, d'où ils venaient. Mais ils sont assez discrets pour attribuer leur succès au pouvoir des images et des reliques de Sakyamuni. Nous possédons beaucoup de faits positifs sur l'introduction du bouddhisme dans la partie orientale du Tibet, bien qu'ici encore l'histoire primitive soit enveloppée d'ombres et de fables. Les premières tentatives paraissent avoir donné des résultats très peu satisfaisants, du moins le monastère fondé, à ce que l'on croit, en l'an 137 avant Jésus-Christ sur le versant de la chaîne de Khéba, fut bientôt abandonné et tomba en ruine. Les légendes attribuent la conversion des Tibétains au Dhyani Bodhisattva Avalokitesvara, fils céleste d'Amitabha, dont le Tibet est le pays d'élection. Beaucoup de souverains et de prêtres qui prirent une part active à la consolidation de la religion bouddhique dans ce pays sont regardés par les habitants comme des incarnations de ces deux personnes sacrées. Voici quelques faits historiques qui se rattachent au bouddhisme. En 371 après Jésus-Christ, cinq étrangers apparaissent subitement devant le roi Tottori Nyantsan. Ils lui enseignent l'usage qu'il doit faire pour la prospérité générale du Tibet de quatre objets tombés du ciel. En 337 après Jésus-Christ, enfermés dans une précieuse cassette, personne n'avait eu jusqu'alors la moindre idée de leur valeur intrinsèque. Note. Cette scène, en 367, appelle ces objets la Tottori, les autorités citées par Ksoma dis Tottori Nyantsan. Ksoma, page 168, raconte qu'une voix fut entendue venant des cieux et dit qu'après tant de générations, 7e siècle, le contenu du livre 3 devait être révélé. On ne dit pas d'où venaient ces cinq hommes, mais je crois, pour des raisons qui s'éclairciront plus loin, que c'était des prêtres chinois. Fin de la note. Ces instructions données, les cinq étrangers disparaissent tout à coup. Les quatre objets précieux étaient, premièrement, deux mains jointes pour prier, deuxièmement, un petit corten. Voir chapitre 13. Troisièmement, une pierre précieuse avec une inscription de la prière Om Mani Padme Hum. Voir chapitre 10. Quatrièmement, l'ouvrage religieux, Zamato, vaisseau construit sur des sujets moraux, faisant partie du camp jour. Le roi Tottori suivit strictement les avis des cinq étrangers et accorda une grande vénération aux quatre objets. Par leur bienfaisante et toute puissante influence, il obtint de vivre jusqu'à 119 ans et pendant tout ce temps la prospérité régna dans le royaume. Cette scène rattache l'introduction du bouddhisme à la date de cet événement, mais, selon les historiens tibétains, la première période de propagation du bouddhisme, qui décline ensuite jusqu'au Xe siècle, commence avec le roi Srongtsangampo, qui naquit en 617 et mourut en 698. Il décerne à ce roi les plus grands éloges pour ses efforts heureux dans la propagation du bouddhisme. Il envoya même dans l'Inde en 623 son premier ministre, Tomi Sambhota, avec ses compagnons pour étudier soigneusement les livres sacrés du bouddhisme et la langue indienne. Les membres de cette mission avaient aussi l'ordre de rapporter au Tibet un système complet d'alphabet, tel qu'il s'employait dans l'Inde, dans le but de l'adapter à la langue tibétaine. Heureusement revenu d'un voyage que l'on décrit hérissé de difficultés incroyables, Tomi Sambhota compose les lettres tibétaines d'après l'alphabet de Devanagari. Après quoi le roi Srongtsangampo ordonne de traduire en tibétain les livres sacrés indiens traitant des doctrines bouddhiques. À la même époque il rendit plusieurs lois dans le but d'abolir, une fois pour toutes, quelques-unes des grossières coutumes de ses sujets. Dans toutes ses actions méritoires le roi Srongtsangampo était énergiquement soutenu par ses deux femmes, dont l'une était une princesse népalaise et l'autre chinoise. Tous deux montrèrent pendant leur vie le plus fidèle attachement à la religion du Bouddha, et sont révérés soit sous le nom général de Dolma, en sanskrit Tara, soit sous les noms respectifs de Dolkar et de Doljang. Ces princesses avaient, dit-on, apporté au Tibet, une quantité de précieux livres de religion, avec de merveilleuses images miraculeuses et des reliques de Sakyamuni, en outre elles ont bâti beaucoup de temples et de collèges. Attirés par ces actes de bienfaisance, qui furent bientôt connus au loin, Beaucoup de prêtres étrangers s'établirent au Tibet pendant la vie de ces princesses et contribuèrent à généraliser la connaissance du bouddhisme. Sous les successeurs du roi Srong Tsangampo, la religion ne fut guère florissante. Pendant le règne de l'un d'eux, Tisrong de Tsan, qui vivait de 723 à 786 avant Jésus-Christ, 710 787 à 845 et Klaproth 778, le bouddhisme commença à se relever grâce aux utiles règlements de ce prince. Ce fut lui qui réprima avec succès une tentative faite par les grands, pendant sa minorité, pour supprimer la nouvelle croyance, et c'est grâce à lui que la foi bouddhique s'établit définitivement. Il décida le savant Pandisantarakṣita, tibétain Zivatso, communément appelé Bodhisattva, à quitter le Bengale pour se fixer au Tibet. À sa demande, le grand gourou Penma Sambhava, en tibétain Penma Jungu Ongyan, de Kafiristan, ou Dhyana, renommé au loin pour sa connaissance extraordinaire des Dharani, de leur application et de leur rite, quitta aussi sa résidence pour devenir sujet tibétain. Les sages indiens qui se décidèrent à s'établir au Tibet l'emportèrent sur l'influence des prêtres chinois et les doctrines qu'ils enseignaient. Ceux-ci avaient été les premiers missionnaires au Tibet. Ils paraissent avoir enseigné les doctrines de Nagarjuna avec les modifications établies par l'école Yogacharya, car d'après l'histoire du bouddhisme du tibétain Puton, ou Bouston, qui écrivait au XIVe siècle, leur système défend de prendre aucune pensée pour objet de méditation. Padmasambhava et les prêtres indiens ses successeurs développaient la loi dans le sens de l'école Madhyamika, qui à cette époque avait pris dans l'Inde le pas sur le système Yogacharya. Ils appuient sur l'assiduité dans la méditation sans distraction. Tisrong de Tsan, qui ne voulait pas laisser enseigner deux doctrines opposées, ordonna une discussion solennelle entre les Chinois Mahayana, non évidemment symbolique de leur système, et les Hindous Kamalasila. Les Mahayana furent vaincus et obligés de quitter le Tibet, et depuis cette époque les prêtres indiens furent seuls appelés et enseignèrent la doctrine Madhyamika. Le roi Tisrong construisit le monastère et le temple de Bhima à Samye et ordonna de pousser vivement la traduction des livres sacrés en langue tibétaine. Un autre souverain, nommé Langdar ou Langdharma, tenta encore d'abolir les doctrines bouddhistes. Il ordonna de démolir les temples et monastères, de détruire les images et de brûler les livres sacrés, mais, ces actes sacrilèges soulevèrent une telle indignation qu'il fut assassiné en 900 après Jésus-Christ. Cette scène recule cet événement en 926, Langdharma était né en 861 selon Ksoma, cette scène dit 863 et Klaproth 901. Le fils de Langdar, son successeur, mourut aussi, dit-on, sans religion dans sa 64e année. Bilangur, petit-fils de Langdharma, se montra au contraire favorable au bouddhisme, il rebâtit 8 temples et monastères et mourut après un glorieux règne de 18 ans. À cette époque se place la seconde propagation du bouddhisme. Il reçut, surtout en 970, un élan puissant, par les efforts réunis des prêtres tibétains qui rentraient, ils avaient fui sous les derniers rois, et du savant prêtre indien Pandita Atisha et son élève Bronston. Peu avant l'arrivée d'Atisha au Tibet, 1041 après Jésus-Christ, la doctrine Kaila Chakra, ou mysticisme tantrika, fut introduite dans ce pays. Dans les 12e et 13e siècles, beaucoup de réfugiés indiens arrivèrent et aidèrent puissamment les Tibétains dans la traduction des livres sanscrits. 300 ans après la mort d'Atisha, nous arrivons à l'époque de Tsongkhapa, le réformateur extraordinaire, qui naquit en 1355 dans le district d'Ando, là où s'élève maintenant le fameux monastère de Kunbum. Tsongkhapa s'était imposé la tâche ardue d'unifier et de réconcilier les écoles philosophiques et mystiques que le bouddhisme tibétain avait fait naître. Il voulait extirper les abus graduellement introduits par les prêtres, qui étaient revenus aux anciennes fourberies et aux prétendus miracles du charlatanisme afin de prouver à la foule leur mission extraordinaire. Tsongkhapa défendit strictement ses procédés et contraignit l'ordre sacerdotal à la sévère observation des lois qui lient les prêtres. Il se distingua aussi par la composition d'ouvrages très serrés, dans lesquels les principes de la religion bouddhique sont exposés à son point de vue particulier. Selon les traditions, il eut quelques entretiens avec un étranger de l'Ouest, remarquable par son long nez. Il croit que cet étranger devait être un missionnaire européen et attribue aux renseignements que Tsongkhapa aurait reçus de ce prêtre catholique la ressemblance du service religieux au Tibet avec le rituel catholique romain. Nous ne pouvons pas encore nous prononcer sur la question de savoir ce que le bouddhisme peut avoir emprunté au catholicisme. Mais les rites du bouddhisme relevés par les missionnaires français tiennent pour la plupart aux institutions particulières de cette religion, ou bien ont éclos à des époques postérieures à Tsongkhapa. Les innovations de Tsongkhapa ne furent jamais toutes acceptées, il eut pourtant beaucoup de partisans et leur nombre s'accrut rapidement pendant les deux siècles suivants, jusqu'à ce qu'ils fussent devenus prépondérants au Tibet et dans la Haute-Asie. La sévérité de ces ordonnances contre les prêtres a été cependant beaucoup adoucie, nous pouvons juger combien leurs pratiques diffèrent maintenant de la théorie, par ce fait que la profession cléricale est généralement fort ambitionnée et qu'une partie considérable du revenu du clergé provient de cérémonies d'un caractère d'absolue fourberie, pratiquées à la demande de la population laïque pour écarter les mauvais esprits. Au sujet de l'introduction du bouddhisme dans la Chine propre, je me bornerai à dire que dès l'an 217 avant Jésus-Christ, un missionnaire indien aurait, dit-on, prêché dans ce pays, mais l'empereur le renvoya et le bouddhisme ne fut complètement établi en Chine qu'en 67 avant Jésus-Christ, il fut reçu avec une satisfaction universelle. Selon Cunningham, le bouddhisme fut introduit à la Dag vers l'an 240 avant Jésus-Christ, mais il ne paraît avoir dominé dans ce pays qu'à partir du 1er siècle avant l'ère chrétienne. Les livres qui traitaient de l'histoire primitive de l'Indac auraient été détruits, dit-on, vers la fin du 16e siècle par les fanatiques musulmans de Skardo, qui envahirent le pays, brûlèrent les monastères et précipitèrent dans l'Indus les trésors de plusieurs bibliothèques. Le règne des musulmans ne fut pas de longue durée, et depuis lors les bouddhistes n'ont plus été opprimés. Dans l'Himalaya oriental à Bhoutan et à Sikkim, la conversion du peuple au bouddhisme se fit à une époque relativement moderne, c'est-à-dire vers le 16e siècle de notre ère. Les circonstances relatives à l'introduction de la nouvelle religion sont bien connues des lamas de ces pays, qui ont encore en leur possession plusieurs livres historiques traitant de cet intéressant sujet. En fait, d'ouvrages de ce genre nous aident dans notre bibliothèque particulière un récit manuscrit de la première arrivée des lamas à Sikkim, en 12 feuilles, écrites en petits caractères, et en outre un livre imprimé de 375 feuilles, Histoire de l'érection des collèges. Ces deux ouvrages appartenaient primitivement à la bibliothèque de Pömyönksi et furent acquis à Sikkim par mon frère Herman. Secte bouddhique au Tibet. Il n'y eut pas de secte au Tibet avant le XIe siècle, il en existe encore 9 qui sont considérées comme orthodoxes, nous n'avons du reste que peu de détails sur elles. La secte fondée par Tsongkhapa et ses dérivés ont adopté la couleur jaune pour leur habillement, les autres portent de préférence des vêtements rouges. Ces sectes sont la secte Nyingmapa, la plus ancienne de toutes, c'est à elle qu'appartiennent les lamas de Bhoutan, province de Gnari Korsum et de la Dak. Cette secte s'en tient strictement aux anciens rites et cérémonies, probablement tels qu'ils ont été enseignés par les prêtres chinois et possède quelques ouvrages symboliques particuliers, qui n'ont pas été incorporés dans les vastes recueils du Kanjur et du Tanjur. La secte Urgyenpa, disciple d'Urgyen ou Panma Sambhava, est aussi une des plus anciennes. Elle est principalement répandue dans la partie du Tibet qui confine au Népal et aux provinces de l'Himalaya indien. Le principal monastère de cette secte est à Samye dans le Tibet oriental. Les Urgyenpa se distinguent des Nyingmapa par le culte de l'incarnation d'Amitabha sous la forme de Panma Sambhava. La secte Kadampa, fondée par Bronston, né en 1002 après Jésus-Christ, se borne à l'observation des préceptes, Pka, et ne se soucie pas d'atteindre au degré plus élevé de la sagesse transcendante. Ses disciples portent un vêtement rouge. La secte Sakyapa, dont nous ne savons rien, si ce n'est que ses adhérents ont un costume rouge. La secte Gelugpa, ou Geldampa et Geldampa, nom qui provient de son principal monastère, Galdan à Lhasa, érigé par Tsongkhapa, cette secte suit les doctrines de ce réformateur et ses institutions, ses membres portent un costume jaune, ils forment la secte la plus considérable du Tibet. La secte Kharjutpa, les croyants en la succession des préceptes, se contentent d'observer le Do, sutra ou aphorisme, et ne s'inquiètent pas d'atteindre aux doctrines particulières du Prajnaparamita ou de la sagesse transcendante. La secte Karmapa, les croyants en l'efficacité des actes, paraît presque identique à la secte Karmika du Népal. La secte Brikungpa tire son nom du monastère de Brikung dans le Tibet oriental. Celle-ci, comme les deux précédentes, Kharjutpa et Karmapa, est une branche de la secte Gelugpa, toutes trois suivent la règle de s'habiller de jaune. La secte Brukpa, ou Dukpa ou Dadupa, a un culte particulier pour le Dorje, Vajra ou la foudre, qui descendit des cieux et tomba sur la terre à Sera dans le Tibet oriental. Elle paraît particulièrement attachée au mysticisme tantrika, où le Dorje est un instrument très important et très puissant. À ces 9 sectes il faut encore ajouter la religion Bon, qui compte beaucoup de disciples nommés Bonpa et possède de nombreux et riches monastères dans le Tibet oriental. D'après la manière dont les livres tibétains parlent de cette secte, Il paraît probable que le nom de Bonpa était restreint à ceux qui refusèrent d'embrasser le bouddhisme dès son introduction. Plus tard, ils adoptèrent ces principes tout en gardant rigoureusement, autant du moins qu'on peut le présumer d'après le peu de données que l'on a sur eux, les idées superstitieuses et les cérémonies des premiers habitants. Cette opinion est celle d'Oxoma. Elle a été plus tard appuyée par Hodgson qui a récemment publié plusieurs gravures représentant leur divinité. Elle est encore corroborée par ce fait que, même aujourd'hui, le nom de Bonpa est appliqué aux exorcismes de quelques-unes des tribus les plus grossières de l'Himalaya, telles que les Mourmis et les Sunvars, confère cette scène, Xoma, Hodgson.